tellement peur de devenir sage. San Francisco maîtrise son angoisse. Sur les murs de Haight Ashbury, je déchiffre ces vieux indices entre deux portraits de Jésus-Christ, les rock'n'roll stars du Love and indélébile, indélébile.